إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui notre cours sur As-Sira an-Nabawiyya. Et aujourd'hui on commence dans notre cours numéro 12, le cours numéro 12 dans As-Sira an-Nabawiyya. Et on est arrivé à l'année numéro 3, la troisième année de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a commencé à parler au dernier cours de certaines choses qui s'étaient produites durant la troisième année. On a parlé de certaines des expéditions militaires qui se sont passées, qui se sont produites. Donc on va revenir sur certains points rapidement. Premièrement, Ghazwatu Qarqaratil Qidr ou Qarqaratil Qadar. C'est une des expéditions qui a eu lieu à l'époque, donc à la troisième année de la Hijra. On dit donc خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتصف محرم من السنة الثالثة للهجرة في 200 من أصحابه عندما علم أن جمعا من بني سليم وغطفان تجمعت بقرقرة الكدر وهو ماء لبني سليم واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري رضي الله عنه ودفع لواءه إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فصار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المكان فأقام عليه ثلاث ليال فلم يلق أحدا من بني سليم وغطفان وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه إلى أعلى الوادي واستقبلهم صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار فسأله عن الناس فقال الغلام لا أعلم لا علم لي بهم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم فانحدر به إلى المدينة وكانت النعم 500 بعير فأخرج خمسها وقسم أربعة أخماس بين الصحابة الذين معه وصار يسار في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وغاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 15 ليلة. Donc la bataille ou l'expédition plutôt de Qarqarat al-Qadr, c'est arrivé dans la moitié ou dans le milieu du mois de Muharram, le début de la troisième année de la Hijra. Et il est parti avec environ 200 d'entre les Sahaba. Et c'est lorsqu'il a appris qu'un groupe de la tribu de Salim, Bani Salim et Ratfan se sont réunis dans un endroit qui s'appelait Qarqaratul Qadar, et c'est un point d'eau, hein, un point d'eau qui appartenait à la tribu de Bani Salim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un de ses compagnons à Médine, qui était Sibaa ibn Artafa ou Arfata al-Ghifari radiyallahu anhu, et il a donné la bannière à Ali ibn Abi Talib. Donc il a marché vers cet endroit jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. Il est resté 3 nuits et il n'a pas trouvé aucun des membres de la tribu de Bani Salim ni de Radfan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des gens parmi ses compagnons vers le haut de la vallée, et il a rencontré d'autres gens dans le bas de la vallée ou à l'intérieur de la vallée, et il a trouvé des jeunes ou des esclaves qui s'occupaient des troupeaux, hein, des gens qui s'occupaient des troupeaux, et il a trouvé parmi eux un jeune esclave, et il s'appelait Yassar. Il lui a demandé s'il connaissait les gens de la tribu en question. Il les a pas trouvés. Il dit: je ne les connais pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine avec un troupeau de chameaux qu'il a trouvé comme ça, il y avait à peu près 500 chameaux. Il les a pris, il les a divisés entre ses compagnons, et puis il a pris le cinquième, le khumus. Et parmi les choses qu'il a reçues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce butin là il y avait justement ce jeune esclave qui s'appelait Yassar, et il l'a émancipé, il l'a libéré. Par la suite, il y a une autre expédition, l'expédition de Ratfan. Et c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé des gens pour surveiller, hein, les mouvements et les actions de Ratfan et de Bani Tha'laba ibn Muharib. Les gens de Bani Tha'laba ibn Muharib, ils s'étaient réunis avec Ratfan pour vers un point d'eau. Ils s'étaient réunis dans un endroit qu'on appelle Dhu Amr, et ils voulaient attaquer Médine, ils voulaient attaquer la ville de Al-Madina. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Muharram, encore une fois de cette année là il est parti avec 450 hommes, et ça c'était le plus grand nombre de soldats qui sont partis avec lui, hein, avant la bataille de Badr, avant la bataille de Uhud. Le plus grand nombre de sahaba qui sont partis dans une expédition militaire, après Badr. Et donc il a laissé Uthman ibn Affan à Médine en charge de la ville, et il est parti donc avec 450 hommes. Lorsque Ratfan a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait, hein, Allah a jeté la crainte et la peur dans leur cœur, et ils se sont tous enfuis vers le haut des montagnes. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les musulmans du mal des kafirines, des mushrikines. Donc ils n'ont pas finalement attaqué les musulmans. Et à ce sujet, donc les musulmans ont été donc épargnés de leur mal. On a parlé au dernier cours aussi de la mort de Ka'b ibn al-Ashraf. Puis on en a parlé rapidement comme ça. Mais Ka'b ibn al-Ashraf, en fait, c'était un homme qui avait une grande haine et animosité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les sahaba. Et son père était un arabe de la tribu de Tay, de Bani Nahban. Et il était venu à Médine, et il avait fait une alliance avec la tribu juive de Bani Nadir. Et il est devenu noble parmi eux, important parmi eux. Et il a épousé parmi une des femmes des juifs, Uqayla, bint Abi al-Haqiq. Et elle a eu un enfant. Hein, elle a eu un enfant de cet homme qui était Ka'b ibn al-Ashraf. Donc, Ka'b était haut de taille, hein, corpulent, fort. Il était connu comme étant un poète aussi. Et il était à la tête des Juifs de la région à cause de sa grande quantité de richesses. Hein, donc, il était une des têtes parmi les Juifs de la région. Et il donnait de son argent aux Juifs et aux rabbins. Hein, c'est lui qui les finançait ou qui les aidait financièrement, si on veut. Et il avait une forteresse dans le sud, le sud-ouest, ou le sud-est plutôt de Médine, derrière la demeure de Bani Nadir. Et l'animosité et la haine de Ka'b ibn al-Ashraf a augmenté lorsqu'il a entendu que les musulmans avaient réussi à avoir la victoire sur les musulmans c'est-à-dire que les musulmans ont eu la victoire sur les mouchriquins de Quraysh. Donc quand il a appris la défaite des mouchriquins de Quraysh, hein, il a demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que ça s'est vraiment produit. Et lorsqu'il a appris que c'était vrai, hein, il était vraiment choqué et fâché de ça, et il a commencé donc à dire que les Arabes de la tribu de Quraysh sont les nobles parmi les Arabes, sont les rois des gens. Et donc il a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans dans un poème, et il a glorifié les mouchriquins et les kuffars, et il a incité les mouchriquins à attaquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans. Et c'était pas suffisant seulement d'avoir fait un poème, il est même parti lui-même à Mecca pour rencontrer les gens de Quraysh et pour leur chanter ses poèmes et pleurer ses poèmes chez eux et les inciter, hein, pleurer les morts de Badr et les inciter à combattre les musulmans. Et donc ça, c'est un petit peu sur le personnage et comment il a agi et comment il a incité les mouchriquins contre les musulmans. Lorsqu'on dit que c'est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu que lorsque Ka'b ibn al-Ashraf est arrivé à Mecca, ils sont venus vers lui et ils ont dit: c'est nous qui sommes les gens qui abreuvons, hein, et qui s'occupons de la Kaaba et qui abreuvons les gens lorsqu'ils viennent. Et toi, tu es un des chefs des gens de Médine. C'est-à-dire, eux, ils l'appelaient Yathrib. Et donc, ils l'ont accueilli. Hein, et ils lui ont fait des éloges. Et lui, il a répondu, il a dit: et vous, vous êtes des gens de bien. Vous êtes mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là que, dans cette période-là, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset Inna shani akahu al abtar. Et c'est à propos de cet exemple-là, de ces paroles-là qui avaient été dites contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le verset dans Sourate An-Nisa, le verset 51, dans lequel, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Ça, c'est le verset 51 dans sourate An-Nisa. Donc on va lire la signification de ce verset là. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: n'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, c'est-à-dire les Juifs, ajouter foi à la magie et au tarot, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en faveur des mouchriquins, ceux-là sont meilleurs hein, sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. C'est-à-dire que les mouchriquins, ceux qui adorent les idoles, sont mieux guidés que les musulmans, ceux qui adorent Allah seul. Donc, ça c'est étonnant de la part de quelqu'un comme lui, qui se dit, hein, qui appartient aux juifs, et les juifs sont supposés d'être sur la religion des prophètes, et donc sont supposés d'être sur le tawhid. Et on voit que, au lieu de prendre la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de supporter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, puisque eux ils croient au prophète et ils croient au tawhid, mais au lieu de ça, subhanallah, ils se mettent du côté des mouchriquins et ils les glorifient et ils leur disent: vous êtes meilleurs que les musulmans, vous êtes meilleurs, vous les mouchriquins, que ceux qui sont musulmans et qui n'adorent que Allah et qui croient en Allah, en ses messagers et en ses livres et en ses anges. Ça c'est yani, la preuve d'une malhonnêteté, hein, incalculable, une grande malhonnêteté de la part de cet individu-là. Et pourtant c'est comme ça que beaucoup d'entre les juifs agissent. Nasallallahu al-afiyah. Le cheikh il a dit: وَلَمَّا عَادَ إِلَى الْمَدِينَةِ أخذ يقرض الشعر متشببا بنساء المسلمين. Il commençait à, quand il est revenu à Médine, il commence à faire des poèmes pour parler des femmes musulmanes. Allah musta'an. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné que qu'il soit exécuté, cet homme-là, à cause de ses provocations et à cause du mal qu'il faisait. Et c'est un temps de guerre, hein, il y avait la guerre déclarée entre les musulmans et les mouchriquins, hein, et lui il s'en va du côté des mouchriquins et déclarer la guerre aux musulmans et inciter les mouchriquins contre les musulmans. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cet homme-là, il doit être exécuté parce qu'il fait du tort, hein, à l'islam et aux musulmans, et il encourage les mouchriquins contre nous. Et donc, il dit: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ جَابِرْ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقال محمد بن مسلمة أو مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن أو إذن لي فلأقل، إذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتلومنه. قال: إنا قد أتعبناه، قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أن نرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال: فنعم. فواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد ابن بشر. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: فجاءوا فوعدوه فوعدوه ليلا فنزل إليهم قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمسكت منه فدونكم قال فلما نزل نزل وهو متوحش فقالوا نجد منك ريح الطيب قال نعم تحت فلانة هي أعطر نساء العرب قال فتأذن لي أن أشم منه قال نعم فشم فتناول فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود قال فاستمسكنا من رأسه ثم قال دونكم قال فقتلوه وكان مسرع كعب بن الأشرف لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة ولما علمت يهود بمسرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين لا يجدي النصح مع كل من يزيد العبث أو من يريد العبث بالأمن وإشعال الفتن. Donc c'est un hadith dans lequel il y a le récit de la mort de Ka'b ibn al-Ashraf. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est-à-dire qu'il y a un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Muhammad ibn Maslama qui s'était offert pour aller faire ce travail pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisque c'était un homme Ka'b ibn al-Ashraf qui faisait beaucoup de tort aux musulmans. Et donc il est parti pendant la nuit vers chez lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé la permission il avait demandé la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire certaines paroles et ça c'est des paroles bien entendu qui ne sont pas des paroles permises en islam, des paroles de kofr, mais il a demandé la permission de les dire pour pouvoir justement s'approcher de Ka'b ibn al-Ashraf et se faire accepter de lui. Et donc il a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa présence pour se rapprocher de lui. Quand Ka'b ibn al-Ashraf a entendu ça, il lui a fait confiance et il l'a rapproché. Puis il lui a demandé de lui emprunter quelque chose ou de lui prêter quelque chose sur gage et il a accepté. Donc il est revenu. Quand il est revenu, il a amené deux personnes avec lui. Et quand ils sont arrivés près de lui, ils ont senti Muhammad ibn Muslima, il a senti un parfum sur Ka'b ibn al-Ashraf. Il a dit, tu me permets que je me rapproche pour sentir ce parfum? Et il a dit oui. Et là, au moment où il s'est rapproché, il l'a attrapé, puis il a dit à ses compagnons, c'est à vous maintenant. Et donc là, ils se sont tous mis sur lui, et puis là, ils l'ont tué. Et donc, quand c'est arrivé, les Juifs ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont eu peur parce qu'ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il allait utiliser la force lorsque c'était nécessaire. Dans les cas où ils avaient affaire à une personne avec qui le conseil n'avait aucune utilité et qui n'écoutait pas qui n'acceptait pas le conseil ou qui ne prenait pas les bons conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans des situations de guerre comme c'était le cas à l'époque. Parmi les événements aussi qui se sont produits dans la troisième année, il y a le fait que Othman ibn Affan radiallahu anhu a épousé Kulthum, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné sa fille Ruqayya à Othman ibn Affan radiallahu anhu. Mais elle était tombée malade pendant la bataille de Badr justement, elle était malade et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Uthman radiallahu anhu de rester pour s'occuper d'elle. Et yani, lorsqu'elle est décédée, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa fille Umm Kulthum, sa deuxième fille. Et donc, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, il a épousé dans le mois de Rabi' al-Awwal, la deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit qu'on n'a jamais connu aucun homme qui a épousé deux filles d'un prophète, autre que Uthman ibn Affan. Donc ça, c'est une des qualités particulières de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle Zunnurayn. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, son nom, un de ses surnoms, c'est Zunnurayn, parce qu'il a épousé deux filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Zunnurayn, c'est celui qui possède les deux lumières. Et donc, c'est les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont comparées, donc, dans cette appellation-là, à des lumières. Et lui, il en a épousé deux. Donc, on l'appelle celui qui avait les deux lumières. Zunnurayn. Il y a eu également une autre bataille ou une autre expédition, c'était l'expédition militaire qu'on appelle Sariyatul Qara al-Qad Sariyatul al-Qarada Sariyatul ou Ghazwatul Qarada. Naam. Et cette expédition là, c'était en fait, le fait que Quraysh, les gens de Quraysh, ils cherchaient un chemin pour arriver jusqu'à Asham. Parce qu'ils ont le voyage qu'ils font, il y en a deux fois par année, l'hiver et l'été, vers la Syrie, pour leur commerce, les gens de Quraysh. Et donc, la dernière fois qu'ils sont revenus, ils revenaient de Asham pour aller vers Mecca, et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait intercepter la caravane de Abu Sufyan, et c'est là qu'il avait envoyé un messager à Mecca pour avertir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'attendait, et donc c'est là qu'il y a eu justement à cause de ça la bataille de Badr. Finalement, Abu Sufyan était rentré quand même à Mecca, en toute sécurité, il n'avait pas été attaqué. Maintenant, ils veulent retourner à Sham, encore pour aller faire une autre commerce. Hein? Mais là, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas y aller par les chemins qui sont proches de Médine, parce que vous savez que Médine est au nord de la Mecque. Donc, étant donné que la ville de Médine est au nord, ils ont pas le choix de passer par le nord pour arriver en Syrie, en Palestine. Donc, ils cherchent un chemin pour y arriver sans passer proche de Médine, pour pouvoir s'éloigner de Médine, pour pouvoir arriver sans que leur caravane soit prise. Alors, ils ont décidé de passer par l'Irak. Et bien entendu, passer par l'Irak, ça fait un grand détour. Ça leur fait faire un grand détour, mais ils n'ont pas le choix. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, allez, il faut qu'on trouve un chemin. Là, ils ont pris un guide qui s'appelait, comment il s'appelait le guide qu'ils ont trouvé? Furat ibn Hayyan. Furat ibn Hayyan a accepté de les guider vers ce chemin pour les amener jusqu'en Syrie par l'Irak. Et donc, ils sont partis, les gens de Bani Bakr ibn Wa'il et Safwan ibn Umayya est parti aussi avec eux, et on dit que Abu Sufyan aussi était parti. Et il était donc à la tête de cette caravane, parmi lui ainsi qu'un groupe des commerçants de Mecca. Il y avait à peu près une centaine d'hommes. Et ils portaient avec eux, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ils portaient avec eux environ 30 000 dirhams, 30 000 pièces d'argent. Et donc, Furat ibn Hayyan est parti avec eux dans la direction de l'Irak, sur le chemin de l'Irak. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu que la caravane était partie. Hein? Il a envoyé Zayd ibn Haritha avec 100 cavaliers pour attaquer cette caravane. Et ils les ont attrapés, ils les ont retrouvés vers un point d'eau dans le Najd qui s'appelle Al-Qarada. Alors ils ont pris la caravane. Hein? Ils ont pris la caravane. Donc ils ont pris la caravane et les autres se sont enfuis. Il n'y a même pas eu de combat finalement. Et les musulmans ont pris donc la caravane et les prisonniers. Et Furat ibn Hayyan, lui, celui qui était le guide pour le chemin, eh bien, il s'est converti à l'islam. Et il est devenu un bon musulman. Et il a même été parmi ceux qui ont de la connaissance de l'islam et de la connaissance de la religion, et de la compréhension dans la religion. Et il a participé après cela à toutes les expéditions avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin de cette expédition à tous les hommes qui étaient partis dans cette expédition-là. Et il a fait sortir, bien entendu, le cinquième. Et donc, cette expédition a été une expédition qui a eu un grand succès et qui a été également une grande défaite aussi pour les mouchriquins. Hein, ils ont vraiment été fâchés là après cette attaque et ils ont vraiment été en même temps attristés. Et donc ils ont compris qu'ils étaient en train de subir un genre d'embargo économique. Ils ne pouvaient plus faire leur commerce, ils ne pouvaient plus passer nulle part. Hein? Et donc là, ils ont décidé que c'était le temps de passer aux armes encore une fois et d'attaquer les musulmans. Il y a eu par la suite, pendant cette année-là aussi, le mariage du prophète sallam avec Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha. Et le prophète sallam l'a épousée dans le mois de Sha'ban de la troisième année de la Hijra. Son mari, le mari de Hafsa, Khanis ibn Hadafa al-Sahmi, radiyallahu anhu, était un des compagnons. Et il est mort dans la bataille après la bataille de Badr. Et donc Hafsa, Omar ibn al-Khattab, a voulu donc remarier sa fille Hafsa. Il l'a proposé en premier à Uthman ibn Affan. Puis Uthman, radiyallahu anhu, il a dit « Laisse-moi réfléchir ». Il a attendu comme ça quelques nuits, puis il l'a revu, puis il a dit « Non, il me semble pas que ce soit bon pour moi aujourd'hui de me marier ». Alors il ne s'est pas marié avec elle. Alors il a proposé sa fille à Abu Bakr, Siddiq radiyallahu anhu. Il a dit « Si tu veux, je te donne ma fille Hafsa en mariage ». Et Abu Bakr n'a rien dit. Et c'est comme s'il n'était pas intéressé. Mais il a dit « Laisse-moi attendre. Laisse-moi réfléchir. » Quelques nuits plus tard, il est revenu et il a dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » فَلَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِنَ عَرَدْتَ عَلَيَّ حَفْصَ فَلَمْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرْ قُلْتُ نَعَمْ. Il dit, peut-être que tu avais quelque chose contre moi quand je t'ai rien dit par rapport au fait de marier ta fille. Il a dit oui. Parce que par la suite, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu la demander en mariage. Et donc, Abu Bakr a dit, tu m'en as voulu quand je t'ai pas répondu, mais c'est parce que moi j'avais entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et je ne voulais pas dévoiler le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulais pas, donc, je voulais pas la, te répondre à cause de ça. Et donc finalement c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a épousé. Naam. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Zainab bint Khuzaima. Il a épousé Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya dans le mois de Ramadan de l'année, de la troisième année de la Hijra. Hein? Et c'était donc une femme qui était très pieuse, elle était connue pour yani nourrir les pauvres. Elle faisait beaucoup de sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée après que son mari soit, soit mort martyr. Ubaidat ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Il était mort dans la bataille de Badr. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Puis, quelques mois par la suite, elle est décédée. Rahimahullah. Elle a été enterrée dans le Baqir, à Médine. Puis, c'est là que on arrive à l'événement de, qu'est-ce qu'on appelle, la bataille de Uhud. Hein? Donc, c'est maintenant qu'on arrive à l'événement de la bataille de Uhud. Donc, on va expliquer quelques points qui ont rapport avec cette bataille. حدثت غزوة أحد نهار يوم السبت للنصف من شوال يعني من السنة الثالثة للهجرة وأحد جبل شمال شرق المدينة سمي أحدا لتوحده على الجبال التي حوله وسبب هذه الغزوة أن قريشا أرادت أن تنتقم لقتلاها في بدر وتشفي غيظها من المسلمين وتروي غلة أحد حقدها عليهم وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في بدر وأن تضع حدا لتهديد المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. Donc la bataille de Uhud, ça s'est passé le samedi, dans le jour de samedi, dans la moitié du mois de Shawwal de la troisième année de la Hijra. Et Uhud, c'est des montagnes, c'est une montagne qui se trouve au nord-est de la ville de Médine. Et on l'appelle Uhud parce que c'est une série de montagnes qui sont réunies ensemble. Et donc, la raison pour laquelle il y a eu cette bataille, c'est parce que Quraysh a voulu se venger de la défaite qu'elle a eue dans la bataille de Badr. Elle voulait se venger des musulmans et se libérer de la colère qu'elle avait et de la honte qu'elle avait subie. Et donc tous les Arabes avaient été ébranlés par cette défaite de la bataille de Badr qui menaçait maintenant de devenir une menace de plus en plus grande parce que la force des musulmans commençait à augmenter, hein, et menaçait même leur existence et leur commerce maintenant. Il dit « Wa kana Abu Sufyan ibn Harb wa Sufwan ibn Umayya wa عكرمة ابن أبي جهل وعبد الله ابن أبي ربيعة وأكثر زعماء قريش نشاطا وتمسا وتحمسا لخوض هذه المعركة وعجل في تحركهم ما فعلته سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه من استيلائها على أموالهم التي كانت متجهة إلى الشام عن طريق نجد. Donc tous les têtes de Quraysh étaient très motivées et très excitées pour cette bataille. Ils étaient vraiment motivés pour partir. surtout avec l'expédition de yani dont on a parlé tout à l'heure, yani Ghazwat al-Qarada, lorsque Zayd ibn al-Harith ibn Haritha, il a pris leur caravane. Donc là ils étaient vraiment en colère, et donc ils ont vu que pour eux c'était il fallait attaquer les musulmans à ce moment-là. أول ما فعلوه لهذه الغزوة أنهم احتجزوا العير التي نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لغزوة بدر، فقالوا للذين كانت لهم أموال فيها إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك فيه ثأرنا بمن أصاب منا، فأجاب لذلك، وكانت 1000 بعير والمال 500,000 دينار. Donc ils ont voulu et ils ont utilisé l'argent qu'ils avaient pu sauver de la bataille de Badr, lorsque Abu Sufyan avait réussi à revenir à Médine. À la Mecque, pardon, sain et sauf avec sa caravane. On sait que dans cette caravane il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de chameaux. Donc ils ont voulu inciter ceux dont les biens avaient été menacés et ceux dont les gens avaient été affectés par la mort de leurs proches. Donc ils ont utilisé ça, ils ont dit on doit venger nos morts et on doit attaquer les musulmans. Et donc ils se sont préparés, ils ont préparé une armée pour attaquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont donc envoyé des hommes pour marcher chez les différentes tribus arabes pour les inviter à se joindre à eux et pour les inciter à combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour les inciter. Et donc ils sont partis vers Bani Kinana et les gens de Tuhama, hein, avec leurs poèmes, et ils ont réuni des alliés de Quraysh et des Ahabish et des différentes tribus de Kinana et de Tuhama et autres. Et donc ils se sont tous réunis, ainsi que Abu Amir al-Fasiq, le père de Hanzalah, Ghassil al-Malaika radiyallahu anhu, avec 50 hommes de son peuple ou de sa tribu. Il dit فَتَجَمَّعَ لِقُرَيْشِ 3000 مُقَاتِلٍ وَفِيهِمْ 700 دَارِعٍ ومعهم 200 فرس و3000 بعير. Donc Quraysh a réussi à rassembler 3000 combattants, et il y avait parmi eux 700 hommes avec leurs boucliers et tout, leurs armes, hein, et 200 chevaux et 3000 chameaux. Et les gens de Quraysh, ils ont pensé même à amener avec eux leurs femmes pour les encourager, pour les rendre plus courageux. Et donc ils sont partis avec leurs femmes aussi pour la bataille. Et non. Parce que quand les femmes sont là, ils auront honte de fuir. Alors ils ont amené leurs femmes avec eux. Et donc ils étaient en tout, il dit وبلغ عددهن 15 امرأة من أشراف قريش. Il y avait donc 15 femmes parmi les nobles de Quraysh. Donc Abu Sufyan avec sa femme Hind bint Utba et Ikrima ibn Abi Jahl avec son épouse Hakim bint al-Harith ibn Hisham, et Safwan ibn Umayya, sorti avec sa femme Barza bint Mas'ud, et Talha ibn Abi Talha, et ainsi de suite. Toute la liste est mentionnée. Et ils sont sortis avec leurs tambours et avec leur alcool, comme d'habitude. Hein? Et ils pleuraient pour les morts de Badr. Et elles, les femmes, elles encourageaient les hommes à combattre, hein, et de ne pas fuir. Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passait du côté des mouchriquins et des kuffars de Quraysh. Bon, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer ça, la suite de l'histoire. On va l'expliquer là, au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك